Una matadita, ya lucula, una quinta. pas moins. Ou qu'a fait moins plaisir. Loboko, ya papa Kani, moi n'ai un Zambé, la belle ville, office. Ngwe, Simon. Petit Touré, à Montréal. Balatou. Hey, my partner, papa, papa, chibiriwa, chibiriwa. Yeah, jambo jambo, chibiriwa, chibiriwa. Yeah, abali gani, chibiriwa, chibiriwa. Yeah, jambo jambo. Tala Bote, Tala Nzoto.